Vive le Québec libre! Personne, et surtout pas au Canada, n'a oublié la retentissante conclusion du discours du général de Gaulle prononcé au balcon de la mairie de Montréal, comme un cri du cœur. C'était en 1967, et le voyage triomphal du président français au Québec avait fait sensation et allait durablement peser sur l'évolution politique du Canada et de la belle province, comme on dit, outre-Atlantique. Encouragement aux sécessionnistes québécois, ingérence inacceptable dans les affaires d'un État étranger ou réparation de la faute commise au XVIIIe siècle lorsque Louis XV a abandonné à l'Angleterre nos compatriotes installés au Canada. Quoi qu'on en pense, le coup d'éclat du général n'a pas laissé indifférent. Et ce n'est peut-être pas un hasard si, 3 ans plus tard, les indépendantistes du FLQ, le Front de libération du Québec, sont passés à la vitesse supérieure et ont même assassiné un ministre qu'ils avaient préalablement enlevé. Et que penser de cette affaire mystérieuse et jamais résolue, le meurtre en 1971 dans la banlieue parisienne de l'un de ces militants québécois, un fléquiste, ainsi qu'on dit là-bas. Des militants qui, après la spectaculaire sympathie pour leur cause exprimée par le général, ont rejoint Paris. Mais qui pouvait avoir intérêt à tuer ce jeune homme exilé chez nous? Était-il dangereux? Ou avait-il trahi ses amis séparatistes? Ou encore, détenait-il des documents importants dont on voulait s'emparer? Et pourquoi a-t-il été assassiné quelques jours avant la visite en France du Premier ministre canadien? Monsieur X ouvre cet étrange dossier, l'affaire Mario Bachand. Le personnage d'abord. En 1971, Mario Bachand a 26 ans. C'est un grand gaillard d'1m80 qui arbore une superbe moustache à la Brassens. Sa seule activité connue, peintre amateur. Selon certaines sources, il aurait d'ailleurs été impliqué en Belgique dans une escroquerie au faux tableau. Oh, soyons prudents, car cette affaire est entourée d'un grand flou. De la même façon, on lui prêtera une ou plusieurs liaisons féminines. Pour quelle raison? On retrouvera dans sa chambre plusieurs correspondances amoureuses. À tel point que les enquêteurs penseront un moment à un drame de la jalousie, mais c'est évidemment la piste politique qui semble la plus sérieuse. À cause de ses activités militantes. Oui, très tôt, il n'a pas 20 ans, Bachand s'engage au FLQ. Et ça lui vaudra de passer 4 ans derrière les barreaux. Le jeune homme a en effet été accusé d'avoir commis plusieurs attentats dans son pays. Puis ce militant qui professe des opinions d'extrême gauche fuit le Québec, passe par Cuba et Alger avant de s'installer dans la région parisienne. Il faut préciser que le FLQ, on n'en reparlera plus, mais c'est le Front de libération du Québec. Oui. Alors, Bachand, là, dans la région parisienne, où vit-il plus précisément? À Saint-Ouen. Au cours d'une réunion, il a sympathisé avec un jeune assistant à l'université qui lui a offert l'hospitalité dans son modeste studio. Alors, maintenant que vous en savez un peu plus sur ce Bachand... C'est quand même assez mince, hein. D'accord, mais enfin, j'y reviendrai. Alors, les faits. Fin mars 1971, en début de soirée, ce professeur assistant regagne son domicile et il découvre le cadavre de Bachand qui gît sur la moquette du studio. Manifestement, le Québécois a été touché à la tête. Par arme à feu? Oui, l'autopsie révélera que Bachand a été mortellement blessé par 2 balles de calibre 22. 22, c'est un petit calibre, oui, ça. Oui, qui n'est guère utilisé par les tueurs professionnels. Mais le 22 aussi ne fait pas beaucoup de bruit, surtout quand l'arme est équipée d'un silencieux. C'est pourquoi il est parfois utilisé par les spécialistes. Mais dans le cas de Bachand, là, personne n'a rien entendu? Effectivement. Alors, les hommes de la PJ tentent de reconstituer l'emploi du temps de Bachand, avec l'aide de son hôte, naturellement. Et voici ce qu'ils apprennent. La veille, alors que le Québécois était sorti, un couple l'a demandé. Qui ? 2 jeunes gens, un homme et une femme, des Canadiens. Ils sont revenus le lendemain, dans la matinée, et se sont assez longuement entretenus avec Bachand. Mmh. Et cet assistant-là a assisté à l'entretien ? Non. Non, d'ailleurs, il a eu l'impression que ni Bachand ni ce couple ne tenaient à ce qu'il entende leur conversation. Puis ils sont tous allés déjeuner ensemble avant que le professeur ne parte pour l'université. Au cours de ce déjeuner, que se sont-ils dit? Rien de saillant, des banalités émaillées d'expressions québécoises. Ouais. Bon, alors lorsque cet homme-là, cet assistant à l'université, est revenu chez lui, Bachand était mort. C'est ça, oui. Mmh. Donc, il y a de fortes chances qu'il ait été tué par ce couple? Bien sûr. Mais ces 2 mystérieux Canadiens n'ont pas été retrouvés. S'ils étaient réellement les assassins, Ils ont dû très vite passer une frontière et disparaître avant qu'on retrouve le corps de leur victime. Ils ont quand même pris beaucoup de risques, non? Le déjeuner, la présence de ce témoin... Certes, mais ils avaient sans doute bien préparé leur fuite. Et puis, ils savaient peut-être qu'on ne les rechercherait pas très activement. Que voulez-vous dire, là? Écoutez, un petit peu de patience, je vous expliquerai, c'est promis. Bien sûr, la police a enquêté dans les milieux québécois de la capitale pour en apprendre un peu plus sur Bachand. Alors, avec quel résultat? Les enquêteurs ont découvert le passé activiste du jeune homme. Ouais, sa condamnation, ses années de prison... Et ils ont surtout découvert une personnalité un petit peu brouillonne. D'après ces Québécois, qui avaient eux-mêmes été des militants du FLQ... Des fléquistes, comme on dit là-bas, Bachand était d'abord un type qui voulait faire parler de lui. D'accord, mais enfin, il a tout de même connu la prison à cause de ses idées. Et de son utilisation de la dynamite. Ouais, mais il avait une nette tendance à la mythomanie. Et puis, il parlait beaucoup trop. Un type imprudent. Sans doute. Toutefois, il semblait avoir rompu avec ses camarades et affirmait même qu'il réprouvait maintenant l'action violente. Mais était-il pour autant un traître? Difficile à dire. Bon, non, il est vrai que pour une organisation clandestine, un bavard représente toujours un danger. Alors, on aurait pu avoir voulu le faire taire une fois pour toutes. C'est une possibilité qu'on ne peut exclure. Alors, c'est peut-être le moment maintenant de me parler de ce FLQ, la libération du Québec. Oui, mais enfin, pour ça, il faut faire un petit retour en arrière, si vous voulez bien. Un rappel, d'abord. Au Québec, comme vous le savez, les francophones sont très largement majoritaires, plus de 80% de la population. Et dès la fin des années 50, on voit apparaître des mouvements indépendantistes. Oui, donc qui s'opposent à la tutelle d'Ottawa. Et au fait que le Canada est un dominion britannique dont le Québec n'est qu'une des provinces. Oui. Mais ces indépendantistes-là sont-ils déjà des clandestins? Non. Ils ont créé des partis politiques parfaitement légaux, dont le principal était le RIN, c'est-à-dire le Rassemblement pour l'indépendance nationale. Le RIN. Ouais. Le Québec est alors gouverné par Maurice Duplessis, un conservateur ultra-catholique opposé à tout changement. Et alors que les autres provinces anglophones connaissent une évolution dynamique, le Québec se replie sur lui-même et demeure figé. Toutefois, ça change radicalement en 1960 avec la disparition de Duplessis. Le nouveau premier ministre, Jean Lesage, fait le pari de la modernité. Et le Québec va effectivement changer. Ah, très vite, oui. La province se réveille et sort à grands pas de l'obscurantisme. L'État se lance dans un important programme de réforme. En même temps, évidemment, on observe une véritable effervescence à la fois politique et culturelle. Il faut aussi souligner la présence dans l'équipe gouvernementale d'un certain René Lévesque, un journaliste de télévision très populaire. Et qui deviendra, lorsqu'il sera à son tour Premier ministre, un ardent promoteur de l'indépendance québécoise. Hein? C'est exact, oui. Est-ce que ce sursaut québécois s'accompagne d'une montée des idées indépendantistes? C'est forcé. Le slogan de cette révolution tranquille, comme on l'appelle, c'est « Maître chez nous ». Ah oui, ça me paraît assez clair. Ça. Mais ce n'est pas suffisant pour les indépendantistes purs et durs, partisans de la manière forte. Et c'est donc dans ce climat bouillonnant que le FLQ fait son apparition. Et comment Par l'explosion d'une première petite bombe, en fait. Un simple cocktail Molotov lancé sur le bâtiment abritant une radio anglophone. Et peu après... Il diffuse son programme, essentiellement la lutte contre le colonialisme anglophone, l'affirmation de l'identité québécoise et une véritable révolution sociale. Oui, ce sont donc des militants de gauche. Hein. Et même d'extrême gauche. Leurs héros sont Fidel Castro, Mao Zedong ou Frantz Fanon. En tout cas, très vite, ces révolutionnaires passent à l'action. Après leur première bombinette, ils s'attaquent aux symboles du colonialisme et de la bourgeoisie anglophone. Par exemple? Ils posent des bombes près des installations militaires britanniques, commettent des attentats dans le quartier chic de Montréal, où habite le gratin de la population anglophone, et s'en prennent également à la police montée. Ouais. Mais, si je comprends bien, c'est en priorité la couronne britannique qui est visée. Hein. Et notez-le bien, c'est en seulement quelques semaines que ces attentats sont perpétrés. Cependant, rapidement, il va y avoir des bavures. Fin avril, un garde est tué au cours de l'attaque d'une armurerie. Et 15 jours plus tard, un soldat est grièvement blessé alors qu'il tente de désamorcer une bombe. Ouais, ça devient plus sérieux. Hein. Et la police fédérale contre-attaque. Assez vite, elle procède à plusieurs arrestations. Ce qui montre que le FLQ est assez perméable. Ça me paraît évident. Et tout cela relève d'un certain amateurisme, malgré la présence au sein du groupe d'un militant aguerri. Un nommé Georges Schutters, un Belge, un commis voyageur de la Révolution, qui est chargé de l'entraînement des FLQistes. Est-ce que cette vague d'arrestations suffit à neutraliser le FLQ? Non. Non, et bientôt, il y aura d'autres morts. En mai 1964, Le Figaro publie une grande enquête de Nicolas Chatelain sur les indépendantistes québécois. Le journaliste revient d'abord sur les années du Plessis et parle ainsi de ce personnage qui a été si longtemps Premier ministre du Québec. Ce personnage redouté avait fait de Québec une sorte de fief féodal sur lequel il faisait régner son autorité paternaliste. Il était résolument conservateur. Il maniait une multitude de ficelles, de moyens de pression et d'instruments de chantage d'une efficacité telle que personne n'eût songé à bouger. Le clergé traditionnaliste de l'époque lui apportait un appui enthousiaste. Lorsque Monseigneur Charbonneau, archevêque de Montréal, osa par exemple faire des quêtes pour des grévistes, Duplessis put obtenir du Vatican de Pie XII cette chose incroyable, l'exil du gêneur. Démis de son siège, le primat fut relégué dans une ville obscure de l'Ouest canadien. C'est à ce moment que le futur cardinal Léger devint archevêque. Redouté de son vivant, Duplessis soulève aujourd'hui encore des passions. Ses adversaires ne disent pas qu'il est mort, mais qu'il est allé crever quelque part dans le Nord. Le franc-parler canadien tolère des expressions de ce genre. Et plus loin, le journaliste rencontre l'un des leaders d'un parti indépendantiste légal et recueille sa profession de foi. Elle exprime parfaitement la revendication de ses militants. Le FRI, Front républicain indépendantiste, ne reconnaît aucune légitimité au système établi, système qui découle de la conquête de notre pays par les armes. Le gouvernement du Québec, colonisé et provincialisé par le conquérant, est lui-même issu de structures politiques étrangères mises en place par le colonisateur britannique. Il ne peut en aucune façon prétendre représenter l'expression véritable et démocratique de la population québécoise. Avant de parler de l'évolution du FLQ et de l'escalade qui va s'en suivre, quelques mots sur les hommes. Les militants, vous voulez dire? Oui, les idéologues. Et d'abord les effectifs? Au départ, ils sont une quinzaine, tous originaires de ces mouvements indépendantistes qui sont apparus au début des années 60. C'est bien peu, hein? En effet. Alors les leaders? Il y a d'abord ce Shutters dont je vous ai parlé. Il est arrivé au Canada au tout début des années 50. Et par rapport aux autres, beaucoup plus jeunes, c'est un vieux routier, un théoricien aussi, qui va peu à peu s'imposer intellectuellement aux autres. On trouve ensuite un type très intéressant, nommé Vallière, un autodidacte qui a connu une enfance et une adolescence misérables et qui publiera un livre au titre éloquent « Nègres blancs d'Amérique ». Pour lui, j'imagine que les nègres blancs, ce sont les Québécois francophones. Et parmi eux, les plus pauvres, exploités par les anglophones, oui. C'est d'ailleurs ce Vallière qui établira un lien entre le combat des Québécois et la lutte des opprimés dans les pays du tiers-monde. Mais il faut rappeler qu'on est alors en pleine période de décolonisation. Quoi qu'il en soit, Pierre Vallière devra fuir le Québec pour les États-Unis, mais il sera extradé et condamné à une lourde peine de prison. D'autres militants? Raymond Villeneuve. Un tout jeune homme qui s'engage à peu près au même âge que Mario Bachand. Mais comme ce dernier, il sera arrêté après les premières actions violentes du FLQ et après sa libération, il fuira à Cuba. Décidément, le pays Fidel Castro exerce une grande attraction sur ces jeunes gens. Car, m'avez-vous dit, Bachand aussi est passé par Cuba. C'est juste. Un dernier nom, peut-être. Gabriel Udon. Et lui, c'était le fournisseur de dynamite. Et où allait-il la chercher? Il la volait, en particulier sur les chantiers ou les carrières. Mais il ne se contentait pas d'être le fournisseur. Il a aussi participé à toutes les premières actions du FLQ. Et ça lui vaudra d'être condamné à 12 ans de pénitencier et 5 ans en plus pour tous les attentats auxquels il a participé. Donc si je l'entends bien là, ils ont presque tous été arrêtés. Et ce premier noyau de dirigeants devra être remplacé. Mais notez bien que ces arrestations, dont celle de Bachand, ne ralentiront pas l'activité du FLQ. Alors, venons à ces nouveaux attentats sanglants que je vous annonçais. En 1964, un commando de l'organisation attaque une nouvelle fois une armurerie. Pour se procurer les armes, j'imagine. Ah, bien entendu. À la tête de cette petite équipe se trouve un ancien militaire de la Légion étrangère. Que se passe-t-il? Je ne sais pas précisément, mais les indépendantistes ouvrent le feu. Deux personnes sont tuées. Ça devient excessivement grave. Et pardonnez-moi d'être cynique, mais ce genre de bavure est extrêmement contre-productif. Oui, sur le plan de la propagande. Naturellement. Il y a encore plus grave, si j'ose dire. Alors que le combat des indépendantistes devient de plus en plus anticapitaliste, que les patrons soient anglophones ou francophones, le FLQ intervient de plus en plus dans les conflits sociaux. Et au cours d'un raid mené contre une usine dont les ouvriers sont en grève, une femme de ménage est tuée. Et pour les indépendantistes qui espèrent rallier les travailleurs à leur cause, c'est naturellement une vraie catastrophe. Un grave échec. Hein. Mais au fond, ça correspond à l'évolution de cette organisation terroriste. Certes, le FLQ fait parler de lui en perpétrant des actions très spectaculaires. Plus de 200 actions violentes en 7 ans, dont des braquages de banques. Mais il ne réussit pas à sortir de la marginalité. Mmh. Il n'a pas réussi à mobiliser derrière lui l'opinion québécoise. La sensibilisation des masses, comme on disait à l'époque. Oui, c'est la vérité. Et les fléquistes n'ont jamais eu la possibilité de susciter l'insurrection populaire qui devait être à terme leur objectif. En outre, je suis à peu près certain que le FLQ a été infiltré. Par qui ? Des individus téléguidés par les organes de sécurité, tels la gendarmerie royale canadienne. Des infiltrés qui ont peut-être même participé à des attentats. Et tenez, ça me rappelle exactement ce qu'il s'est passé chez nous, avec le FLB, le Front de Libération de la Bretagne, vous vous rappelez ? Nous y avons consacré un entretien. Ouais, le faux vrai attentat contre la villa de Francis Bouygues, hein, avec la complicité de policiers de la DST. Ouais, c'est ça. Alors, la police canadienne aurait donc pu assez aisément coffrer tous ces indépendantistes. Je le pense, oui. Ouais. Mais parfois, il est plus intéressant de laisser vivre une organisation subversive en la contrôlant. Expliquez, là. En l'éliminant de manière radicale, on risque de faire naître d'autres vocations. Ouais, d'autres militants, d'autres organisations. Ouais, et ces petites nouvelles, bah, il faudra du temps avant de pouvoir les infiltrer, vous comprenez ? Mais dans le cas précis du FLQ, j'imagine aussi autre chose. Une raison supérieure qui explique pourquoi les policiers de la gendarmerie royale préféraient contrôler le FLQ plutôt que de l'éradiquer. Toutefois, je dois avouer que ce n'est qu'une hypothèse. Oui, mais je vous écoute quand même. Hein. Alors, pour bien comprendre, il faut évoquer le fameux voyage du général de Gaulle au Québec. Ah, en 1967, c'est ça. Exactement. Alors, pardonnez-moi d'oublier pour un temps le FLQ et l'affaire Mario Bachand. Je dois d'abord dire que de Gaulle pensait depuis longtemps à la question québécoise. Et pour parler de façon triviale, le général était profondément agacé par cette affaire. C'est-à-dire ? Bon, il supportait mal de voir un état de souche française, le Québec, subordonné à une fédération anglo-saxonne. Ça l'exaspérait d'autant plus que la Constitution canadienne excluait que la France puisse nouer des liens diplomatiques directs avec le Québec. Ah oui, puisque le Québec n'était qu'une des provinces de la Confédération. Hein. Mm-hmm. Mais n'a-t-on pas un peu triché en permettant la création à Paris d'une maison du Québec ? Vous avez raison. Cette maison québécoise fait un peu office de délégation officielle. Toutefois, ce n'est pas une ambassade. Ouais, ouais. En tout cas, si je vous suis bien là, ce que de Gaulle voulait, au fond, c'était un État québécois indépendant. Ah, c'est incontestable. Et puis, vous connaissez sa méfiance pour tout ce qui était anglo-saxon. Et même sa détestation. Bon, bon, n'exagérons pas, quand même. Quoi qu'il en soit, le général brûlait de s'exprimer publiquement sur le sujet. Et il y était encouragé par quelques personnalités gaullistes, ce qu'on a appelé le lobby québécois. Des gens diplomates ou hauts fonctionnaires qui lui faisaient valoir que le peuple québécois était un rameau de la nation française. Mais c'était des Français qui composaient ce lobby. Hein. Mmh. Le Québec avait par conséquent droit à son indépendance, c'est ça. Mais, au fond, le général avait-il besoin d'être convaincu ? Je ne le pense pas. En 1967, une occasion se présente. L'exposition universelle se tient à Montréal. Et déjà, des responsables canadiens ont invité le président de la République à venir inaugurer le pavillon français. Mais le général hésite. Pour quelle raison, hein ? 1967, c'est aussi le centenaire de la création de la Confédération canadienne. Et de Gaulle ne veut en aucune façon cautionner cette création britannique. Hein. Toujours à cause du Québec. Bien entendu. En outre, la fondation de cette Confédération centenaire symbolise la défaite de la France au Canada. Et puis, il n'a pas très envie de se rendre à Ottawa, la capitale de la Confédération. Or, s'il va au Canada, il pourra difficilement éviter d'aller saluer le Premier ministre. Mmh. Cependant, le lobby québécois en France se montre très actif. Et finalement, malgré les objections du Quai d'Orsay, le président saute le pas. Mmh. Pourquoi les affaires étrangères là, sont-elles hostiles à ce voyage ? Le ministre Couve de Murville, qui connaît bien son général, craint un incident diplomatique. Juste raison. En effet. Donc, malgré ses objections, le président décide de se rendre outre-Atlantique. Mais pas n'importe comment. En avion, il serait pratiquement obligé d'atterrir à Ottawa. Mais le protocole... Et les usages diplomatiques. Alors, il décide de voyager à bord d'un bâtiment de la marine française qui remontera le Saint-Laurent. Ah oui, comme ça son voyage commencera par le Québec. Ben voilà. Ouais. Et dès sa première étape, dans la ville de Québec, où son croiseur a jeté l'ancre, de Gaulle donne le ton en évoquant l'émancipation du Québec. Puis le lendemain, il emprunte le chemin du roi, c'est-à-dire la route qui relie Québec à Montréal. Et pour de Gaulle, le chemin du roi, c'est tout un symbole. Hey, le général est très sensible à ce genre de choses. En tout cas, sur le parcours, de Gaulle reçoit un accueil triomphal. C'est un libérateur qu'on applaudit. Et à chaque arrêt, la foule brandit des pancartes qui réclament la liberté pour le Québec. Et de Gaulle doit être conforté dans ses idées. Hein. Bah, bien sûr. Et son fameux « Vive le Québec libre », lui viendra presque naturellement aux lèvres. Mais en donnant cet encouragement formidable aux indépendantistes, le général prend des risques. Parce que parmi ces indépendantistes, il y a aussi les terroristes du FLQ. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir, ici, et tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération. Et c'est à Montréal qu'il faut que je le dise. Parce que s'il y a au monde une ville exemplaire par ses réussites modernes, c'est la vôtre. Je dis c'est la vôtre et je me permets d'ajouter c'est la nôtre. Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Vive! Vive! Vive le Canada français et vive la France! France Inter, rendez-vous avec X. Qu'en était-il réellement des rapports du général de Gaulle avec le Québec? Maurice Vaïs, auteur d'un ouvrage sur la politique étrangère du président français, fait l'analyse suivante. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est préoccupé des Québécois? Peut-on y voir un aspect de son anti-américanisme? Avait-il de l'intérêt pour le Québec avant 1967? Sa perception du Canada s'inscrit dans une évolution relativement lente. De Gaulle voit dans cet État un allié des deux guerres mondiales, et s'y rend d'ailleurs deux fois. Bien que l'appel aux Canadiens français lancé le 1er août 1940 reste sans écho, ces deux voyages, en juillet 1944 et août 1945, lui donnent l'occasion d'exprimer son attachement sentimental pour la communauté française. Mais à ce moment-là, le général de Gaulle a une vision très unitaire du Canada. Son attitude à l'égard du Québec évolue par à-coups de 1958 à 1969. Il ne devient sensible aux faits canadiens-français qu'à partir de 1960. Il se sent responsable de tous les Français où qu'ils se trouvent, donc des Français d'Amérique. Il a de plus mauvaise conscience à l'égard de ceux du Canada, abandonnés après la guerre de 7 ans en 1763. Il exprime implicitement le poids d'une certaine culpabilité de la France vis-à-vis du passé, dans la comparaison qu'il fait du Québec avec un enfant naturel, dont on reconnaît la paternité, ce qui justifie une présence plus active de la France ainsi qu'un intérêt plus marqué à l'égard de ce rameau d'elle-même. Ce « Vive le Québec libre » prononcé au balcon de la mairie de Montréal a provoqué des vagues. Ouais, je me souviens très très bien. J'entends même encore moi, la petite hésitation du général avant de prononcer ces quatre mots. Comme si c'était d'abord un cri du cœur. Ah, peut-être avez-vous raison, mais de Gaulle était un politique avisé. Et puis il venait de constater tout au long du chemin du roi combien les Québécois voulaient leur liberté. Alors, bien sûr, à Ottawa, on a été très fâchés. Et le général a profité de ce mécontentement pour brûler l'étape d'Ottawa et rentrer aussitôt en France. Et il a particulièrement apprécié le commentaire de l'un de ses conseillers qui lui a dit « Mon général, vous venez de payer la dette de Louis XV ?» Ah, c'est très gaulien ça. Hein. Effectivement, oui. En dehors de la brouille diplomatique qui a suivi et sur laquelle je passe, ce voyage présidentiel a poussé les services de sécurité canadiens à surveiller de très près certains Français installés au Québec. Ah oui, parce qu'ils seraient soupçonnés d'aider les indépendantistes. Bah, éventuellement, oui. Et ça va aller assez loin, puisque l'un de ses membres du lobby québécois, qui avait même été l'un des organisateurs du voyage du général, a été accusé d'être un agent du SDEC. Ah, notre service de renseignement. Oui, et en tant que tel, ce personnage a été expulsé du Canada. Et votre avis ? Je ne crois pas que cet homme était un agent, mais il est vrai que la France, à travers toute une série d'associations, a soutenu l'action des indépendantistes. Et encore une fois, parmi ces gens-là, il y avait peut-être des types qui étaient des activistes du FLQ, mais je ferme cette longue parenthèse et je vous explique où je voulais en venir. C'est-à-dire l'intérêt pour les autorités canadiennes de ne pas démanteler complètement le FLQ. Mais je suis curieux d'entendre votre démonstration. Le FLQ va commettre des fautes, de très graves fautes. Et je n'exclus pas que l'organisation clandestine ait été poussée à faire commettre ces excès. Par ces faux militants infiltrés, là ? Pourquoi pas ? Enfin, je poursuis. Ces fautes sur lesquelles je vais revenir vont forcément discréditer le FLQ et par conséquence, plus largement, la mouvance indépendantiste. Et cela pour Ottawa, c'est pain béni. Ouais, c'est quand même assez vicieux. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il ne s'agissait que d'une hypothèse. Une hypothèse assez crédible à mes yeux. Bon. Alors, c'est faute grave. En octobre 1970, le FLQ enlève James Cross, délégué commercial britannique en poste à Montréal. Un homme qui a donc un statut de diplomate. Hein. Oui. L'organisation indépendantiste menace de tuer son prisonnier et pose plusieurs conditions à sa libération. Essentiellement, l'élargissement de plusieurs condamnés du FLQ et la lecture au micro de Radio-Canada d'un manifeste politique. Un manifeste du FLQ. Bien entendu. Ouais. Assez vite, les autorités cèdent à cette dernière exigence. La manifeste est une violente diatribe contre le pouvoir, tant canadien que québécois, et aussi contre les puissances financières et économiques. Mais il n'est pas question de libérer les détenus du FLQ. Ouais. Par conséquent, Cross demeure dans les mains de ses ravisseurs. Ouais. Oui. Et 5 jours plus tard, le ministre québécois de la Justice offre aux kidnappeurs un sauf-conduit pour l'étranger s'ils libèrent leur otage. Mais ce même jour, on apprend qu'une autre cellule du FLQ vient de procéder à un nouvel enlèvement. Et là, qui est la victime ? C'est un ministre, un homme politique québécois de premier plan, Pierre Laporte. Ah, c'est une sorte de réponse aux autorités qui refusent les exigences des auteurs du premier enlèvement. Évidemment. Et tandis qu'un certain nombre de personnalités, comme René Lévesque, appellent à la négociation, le premier ministre canadien, Pierre Elliott Trudeau, choisit la solution de force. Ce qui signifie, là ? Au terme de la loi sur les mesures de guerre, il envoie l'armée à Montréal. L'armée chargée de seconder une police locale complètement débordée. Et il est aussitôt procédé à des arrestations massives. Plus de 450 personnes soupçonnées à tort ou à raison d'avoir des sympathies pour le mouvement indépendantiste sont emprisonnées. Mais il faut le souligner, la plupart seront ensuite libérées sans que rien ne soit retenu contre elles. Cependant, les événements s'accélèrent. Et que se passe-t-il alors ? Le lendemain du jour où l'armée est arrivée à Montréal, Pierre Laporte est retrouvé dans le coffre d'une voiture. Il a été étranglé. Cet assassinat provoque une grande émotion. Et si le premier enlèvement a plutôt été bien vu par la population francophone... Ouais, parce que la victime était britannique. Bien sûr. Ouais. Autant ce meurtre horrifie les gens. Et les ravisseurs de la première équipe s'empressent de faire savoir qu'ils n'exécuteront pas James Cross. Mais pour autant le relâchent-ils ? Non. Non, ils maintiennent leurs conditions. Dans le même temps, les autorités fédérales se livrent à une véritable campagne de désinformation. Les fléquistes seraient plus d'une centaine et disposeraient de 2000 réservistes. Ils auraient aussi infiltré toutes les institutions de la belle province et auraient accumulé un impressionnant stock de dynamite afin de faire exploser le centre de Montréal. Enfin, et ce n'est pas le moins important, un putsch serait en préparation. Et les principaux dirigeants indépendantistes, dont René Lévesque, seraient prêts à s'y rallier. Tout cela est exagéré. Bien entendu. Ça veut dire que qu'Ottawa essaie de faire peur aux... Bah, c'est évident, oui. Et alors, ce renom à James Cross, là, il va être libéré? Oui, au début décembre, la police découvre le lieu où il est détenu. Après négociation et obtention pour les ravisseurs d'un sauf-conduit pour Cuba, le diplomate britannique est libéré. Et 4 semaines plus tard, les membres du commando responsables de l'enlèvement de la porte et de son assassinat seront arrêtés. D'après vous, là, la manœuvre qui consistait à déconsidérer le FLQ a-t-elle réussi? En partie, oui. Et d'ailleurs, le FLQ devra mettre fin à ses actions violentes. Par contre, ces événements ne parviendront pas à affaiblir le sentiment indépendantiste québécois. Mais c'est une autre histoire. Alors, si vous le voulez bien, revenons à Mario Bachand et à l'énigme de son assassinat. C'est un assassinat qui intervient, avez-vous dit, au printemps 1971, donc très peu de temps après les deux enlèvements. Hein. Eh oui, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un rapport. C'est votre avis? Bon, encore un tout petit peu de patience, bon, si vous voulez bien. La thèse la plus vraisemblable, celle qui a tout de suite été émise par un journal de Montréal, c'est que Bachand a été exécuté par des membres du FLQ. Parce qu'il aurait trahi. Ou qu'il aurait détenu des documents compromettants pour l'organisation. Peut-être en rapport avec les récents enlèvements, là? Bah ça, on ne peut pas l'écarter. Autre hypothèse. Il est certain qu'à Ottawa, on craignait que le FLQ ne récidive. Le FLQ qui était en relation avec d'autres organisations terroristes étrangères. Lesquelles? Des Palestiniens, par exemple, et même notre FLB. Les indépendantistes bretons. Oh, ben, pourquoi pas. Bachand, tranquillement installé à Paris, aurait pu être l'un des artisans de cette renaissance. Et on aurait décidé de l'éliminer, alors. Ben, à la réflexion, je penche pour une autre version. Les assassins. Ce fameux couple qui a déjeuné avec Bachand avant de l'exécuter était vraisemblablement membre d'une sorte de filiale du FLQ, une délégation établie à Alger. Or, cette organisation avait été, elle aussi, infiltrée par la gendarmerie royale du Canadien. Ouais, je veux bien vous croire, mais là, le rapport avec Bachand... Le Québécois aurait obtenu des informations sur ces éléments infiltrés au sein du FLQ. Il convenait donc de le liquider avant qu'il ne révèle à ses amis qu'ils étaient complètement manipulés par la gendarmerie royale. Et si les assassins ont agi sans prendre beaucoup de précautions, c'est qu'ils étaient sûrs de s'en sortir. Pourquoi, non? Parce qu'en France même, des services étaient au courant et avaient pour mission de les couvrir et aussi de veiller sur leur fuite. Mais attendez, là, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? L'une, au moins. Le commissaire qui a dirigé l'enquête s'est plaint de ne pas avoir bénéficié de la collaboration de notre service de contre-espionnage. La DST. Oui. Et ce policier a même eu l'impression qu'on a tout fait pour étouffer, sinon saboter son enquête. Cette dernière thèse a été plus ou moins confirmée par une enquête d'un écrivain, Michael McLaughlin, auteur d'un ouvrage intitulé « Dernier arrêt, Paris ». L'assassinat de Mario Bachand et la mort du FLQ. Un livre où cet auteur donne même les noms de cet homme et de cette femme qui auraient été les exécuteurs de Bachand. Quant au manifeste du FLQ évoqué par M. X et diffusé par Radio-Canada, je l'ai retrouvé. En voici les premières lignes. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et purgés à jamais de sa clique de requins voraces, les big boss patronneux et leurs valets qui ont fait du Québec leur chasse gardée, de la main-d'œuvre à bon marché et de l'exploitation sans scrupules. Le Front de libération du Québec n'est pas un mouvement d'agression, mais la réponse à une agression, celle organisée par la haute finance, par l'entremise des marionnettes des gouvernements fédéral et provincial.